En même temps que j'ai le goût de défendre la liberté d'expression parce que notre job en dépend beaucoup. Une job qui est rendue pas mal plus difficile que c'était avant parce que là, on est rendu, regarde, paranoïaque avec plein de gens qui veulent recommencer à nous faire fermer. Là. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on entre dans une nouvelle spirale, là, mais ça, on en reparlera une autre fois. Le temps approche peut-être plus vite là, d'ici la maison dans le fin fond du bois sur le bord d'un lac. Là. Ah oui? Ben, tu sais, un moment donné, là. M'amener, ça fait. Là. Si t'as plus le droit de dire ton opinion en an, si t'as plus le droit de faire de l'image et de la couleur sur les ondes d'une station de radio, Christy, on va aller spinner du margeau de l'autre bord. Là, c'est parce que m'amener... Il y a un groupe de pression qui est sur notre dos depuis des mois. Là. Des années même. Là. Ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans qu'ils sont sur notre dos, Denis, ce en groupe fait, de pression-là. On est rendu à raison j'ose de vivre. J'ose même plus nommer là, parce que ça se peut qu'on perde notre job. Mais ils sont sur notre dos, c'est quoi? Une fois par semaine, on reçoit une lettre où on est blâmé à cause de ce qu'on dit sur le groupe de pression en question. T'sais, si on peut plus donner notre opinion sur ce groupe-là en question, on est tous bien de, effectivement, fermer la shop ici, puis mettre de la musique à journée longue, puis arrivera ce qui arrivera. Puis moi, je suis rendu à un niveau où je veux pas me retrouver sous tension comme on l'a déjà été à Radio X. Ouais. Là, si on décide qu'au Québec, la liberté d'expression, c'est pas important, je vais prendre mon pack-sac, je vais faire autre chose, puis je m'exprimerai librement dans mon salon avec une bière à la main, ça. J'ai aucun problème avec ça. On va partir une radio de sport ici, où on fera d'autres choses. Exact. Si ce groupe de pression-là vient qu'avoir raison de nous autres, éventuellement, ça voudra dire qu'on va devoir abandonner et parler du Canadien ou des Nordiques à journée longue ici, là. Mais de voir les humoristes se déprendre dans la marde qu'ils ont contribué à créer dans les dernières années, j'ai le goût de faire comme la cigale puis la fourmi, là. Tu sais, quand on arrive à l'hiver, là, hein, t'as rien préparé, là, t'as créé la marde, ouais. Sti danse à cette heure. J'ai le goût. Organise-toi avec tes troubles. J'ai le goût d'être égoïste. Puis j'ai le goût d'être vindicative. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Vengeur. Ouais, un peu, vengeur. Ouais. J'ai le goût de savourer une revanche puis de lui dire, hein? Vous nous avez regardé caler puis vous trouviez ça drôle quand on se débattait avec la liberté d'expression. À cette heure que c'est votre tour, dansez maintenant, gang de clowns. Surtout que nous autres, on a appris un peu à jouer avec la ligne. T'sais, on va se donner ce qui nous revient. On a appris un peu à jouer avec la ligne. Les autres sont en train d'essayer de la découvrir, la ligne. Organisez-vous avec vos troupes. Ils vont trouver ça drôle. T'as raison. Huard, organise-toi avec tes problèmes. Puis Wagner aussi, puis les autres aussi. Organisez-vous avec vos troubles. Le show que vous faites, de toute façon, c'est le même show que vous faites pendant 30 jours en ligne. Organisez-vous avec vos problèmes. Ça aurait été intéressant d'être solidaire à un certain moment donné au Québec pour défendre la liberté d'expression, mais on n'est pas capable. On est un peuple qui est pas assez mature. Et la journée où ce qu'on n'aura plus de liberté d'expression, on l'aura mérité. On se sera pas tenu de bout parce que on n'est pas capable d'entendre des opinions qui nous ressemblent pas, puis on veut faire taire les gens qui les disent en faisant de l'acharnement, du bullying, du salissage. Qu'est-ce que ça donne à quelqu'un d'écrire à Montréal sur nous autres? Qu'écrive Simonette, sacrement! Il est à Radio X, Montréal! Qu'est-ce que ça donne à du monde de Montréal de s'attarder sur Jérôme Landry et Denis Gravel? C'est uniquement de nous tasser dans le coin, parce qu'il n'y a aucun intérêt pour leur lecteur. Il n'y a personne qui nous connaît à Rue 24. Le but, un chat. Le but est double, c'est de nous faire passer pour pire qu'on est, et idéalement de nous faire fermer puis de nous faire part de notre job. Exact, surtout quand le gars qui écrit sur nous autres travaille avec le compétiteur. Exact. Donc, c'est, donc, c'est une situation un peu particulière. Puis la liberté d'expression, je trouve ça important, là, mais on l'a porté le flambeau, on l'a porté le glaive, vous l'avez porté le glaive. Les humoristes qui sont rendus avec les troubles qu'ils ont contribué à créer eux-mêmes, c'est drôle de les voir se débattre là-dedans. Je vous cacherai pas que je trouve ça très drôle ce qui se passe depuis 2 semaines. De la misère à pas rire. Tout l'humour le temps. C'est une poubelle. Hein? Ouais. L'humour poubelle. Qu'est-ce que tu disais, Véro? Je dis que c'était une question de temps avant que ce soit consacré. Ben regarde, tu décides que tu fermes la porte à la liberté d'expression puis tu penses, et Patrick Huard a au moins l'honnêteté de le dire, il pense qu'il y a un statut. Il pense qu'il y a un droit acquis. Les humoristes sont tous comme ça. Laurent Paquin pense qu'il y a un droit acquis puis qu'il peut décider c'est quoi qui est de l'intimidation, c'est quoi qui en est pas. Alors que Laurent Paquin, c'est quoi la différence entre moi, Laurent Paquin, Jérôme, puis le monde qui écoute à matin, il n'a pas là. Il y en a qui rient en nous écoutant, en écoutant Radio ben X. Ben oui, justement. Mes deux meilleurs shows d'humour, c'est Dupont le midi puis Morel Live. Ben moi aussi. C'est ce qui me fait rire dans la vie, puis je suis très sérieux quand je dis ça là. Moi, je riais avant, j'écoutais RBO, j'écoutais Sans Limite, j'écoutais des émissions comme ça. Il n'y en a plus de ça. Moi, la flaque le dimanche, là, je trouve ça plate à mort. C'est dole. Mes émissions d'humour préférées, Morel Live, Dupont le midi, ils l'ont-tu leur carte d'humoriste, eux autres, pour rire des gays pis des d'Haïti? Est-ce que Stéphane Dupont a sa carte pour rire d'Haïti? est-ce qu'il a une permission de Patrick Huard pour rire d'Haïti? C'est ça lui qu'il faut demander la permission. Est-ce qu'il a les droits à qui voulu pour rire d'Haïti? ça peut-tu se faire, ça? Si on commence à spinner avant ces émissions-là, un avertissement disant qu'on est des shows d'humour, est-ce qu'on est correct? Est-ce qu'on vient de se blinder? C'est de perdre un peu. Ben oui. C'est de perdre un peu. Moi, je pense que tout le monde est juge. Tout le monde doit être juge de sa liberté d'expression. Puis, tu sais, t'écoutes un show d'humour, tu trouves ça déplacé, tu sors, tu demandes de te faire rembourser, il rembourse. Mike Ward le dit ouvertement. Oui. Si vous aimez pas mon show, je vais vous rembourser le billet, vous irez voir André-Philippe Gagnon. Il le dit dans ses annonces. C'est assez clair. Oui. Ça devrait être de même sur tous les médias. Si un blogueux blogue des affaires plates, tu le lis pas. Si une émission de radio ne te rejoint pas parce que t'y trouves pas drôle, t'y trouves chialeux, t'y trouves niaiseux, tu trouves qu'il rit boit rien. Change de poste. Mais on est pas payé pour, à un moment donné. Mais on n'est pas assez mature pour ça. Quelque chose qui pogne pas. On veut pas. Ça... La différence, ça ne plaît pas au Québec, ça dérange. Puis les gens qui sont les donneurs de leçons, qui prennent le flambeau de la liberté d'expression pour défendre le gang, regardent les autres caler, puis regardent les autres se noyer au nom du même flambeau, juste parce que ça fait pas leur affaire. C'est décourageant. Je vous le dis, c'est décourageant. Puis un matin, je suis découragé. Il y a des matins que j'adore ma job, là. Mais un matin comme un matin, là. Quand t'arrives sur ton bureau, que t'as 2-3 enveloppes, c'est toutes les mêmes maudites niaiseries encore. Toujours là. Le même groupe de pression qui attend à plein sur notre cas. Le pire, c'est que si on ferme, ce groupe-là va devoir couper au moins une personne de son personnel. Je m'excuse de pas vous le nommer. J'aimerais ça vous le nommer. C'est parce que là, mais c'est parce qu'ils sont vraiment au combat puis ils veulent notre tête pour vrai. Ben là, c'est pas ce groupe-là. J'ai une maison à payer, moi. Moi aussi. Fait que là, à un moment donné, mais on tente de nous museler. Puis c'est un sujet important duquel on pourra peut-être plus vous parler. Ouais. Dans les prochains mois puis dans les prochaines années. Parce que les dirigeants puis le CRTC sont souvent à l'écoute des groupes de pression. Exact. Ils sont en train de nous avoir à l'usure, ce groupe-là. Et pour nous autres... Pour avoir nos têtes, ça continue, là. Puis c'est pour ça qu'on se retient, c'est pour ça qu'on va aller à la pause. Parce que nous autres, contrairement à d'autres, avoir une job, c'est important.